juste la pommade. J'ai deux cigarettes pour mes deux poumons. J'ai caché ma jeunesse en bétonnant. J'ai de la sale rage en être étonnant. Je vois ce petit, pas un euro. Il est pas heureux, il a pas d'héros. Il finit son flash et il parait. Malheur à celui qui va le parrainer. C'était interdit, c'est permis. Parce que maman était au RMI. La suite de l'histoire va me faire mal. Comme la suite de la bouteille, je la termine. Tu vas parler mal sur la vie de ma mère. On va pas se croiser bien évidemment. Je suis pas là pour vanter ma vie de merde. Elle était moins dure que la vie d'Ahmed. J'ai survécu entre les quatre tours. J'ai vu des bonhommes et des catins. J'en ai vu des hlèles à quatre pattes. J'ai vu des salopes prendre mes patins. Et puis j'y pense toute la nuit, ouais. Ça, toute la nuit, j'ai dépensé toute ma vie, ouais. Dans toute la vie, je rêve d'effacer toute ma raison. Pour m'égarer, j'ai dépensé toute la nuit, ouais. Dans toute la vie, vive. Senti la haine dans les accolades. Tu ne vois pas Jacques, t'es sous Jack Miel. Jacques a dit tu deviens alcoolique. Je vais m'isoler, je suis mieux solo. Éviter les vieux et les bracelets. Car ça part en couille ces mecs garçons là. Y'a que dans la violence qu'on est azélé. On part d'un artiste sans permis. La première patrouille peut nous faire du mal. Et tant que le ciel nous le permet, mais déterminé on reviendra en Hermine. Ta folie c'est d'envier ma vie de merde. Mais t'as pas vraiment tort et finalement je fais pas le minimum à 2000 à l'heure. J'ai ma tête de rebeu dans voiture allemande. Et puis j'y pense toute la nuit, ouais. Ça, toute la nuit, j'ai dépensé toute ma vie, ouais. Dans toute la vie, je rêve d'effacer toute ma raison. Pour m'égarer, j'ai dépensé toute la nuit, ouais. Dans toute la vie.